écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis Abanga Onana. Dans notre série intitulée « Le mariage divin », nous vous présentons aujourd'hui le sous-thème « Le mariage divin, l'amour et la soumission ». Le mariage, un homme, une femme, a pour modèle parfait Christ et son Église. Là où il n'y a pas d'amour réciproque et de complémentarité, il n'y a pas d'amour divin. L'époux doit se comporter comme Christ et l'épouse comme l'Église de Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, nous lisons « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'amour de l'homme envers son épouse est sacrificiel et inclusif, comme celui de Christ envers son Église. L'épouse devient co-héritière avec son mari. Tout ce qui appartient à son mari lui appartient désormais. Si son mari est roi, elle devient automatiquement reine. Le niveau de vie de son mari devient le sien, juste parce qu'elle est devenue son épouse. Romains 8, verset 16, à cet effet, nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » L'époux ne doit pas attendre que son épouse soit parfaite avant de l'aimer. Nous savons tous qu'il est impensable et humainement impossible de trouver un être humain naturellement parfait. Romains 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le romantisme de l'homme ne doit jamais être menteur, hypocrite ou flatteur. Il serait alors mortel, parce qu'il serait de source diabolique. Du serpent ancien, de Satan, le séducteur, le charnel, le mondain. Notre romantisme doit être vrai, honnête et sans favoritisme, sans flatterie, sans séduction comme celui de Christ. Nous avons l'exemple de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Son maître lui dit, parce qu'il le méritait vraiment, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, en plein minuit, Christ, l'époux romantique, ouvre la porte aux vierges sages. Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » La Bible nous dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais ce genre d'épouse s'y dit, « J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Dans Matthieu 25, verset 1 à 13, en plein minuit, Christ l'époux, qui est le même et qui ne change pas, ne fut pas romantique envers les vierges folles, mais il leur ferma la porte au nez et en plein minuit. Notre époux, Christ, n'est pas sentimental, il est amour. Voilà comment Christ aime son Église pour laquelle il s'est sacrifié. Mais croyez-moi, il fait une différence nette entre les vierges sages, sa vraie épouse, et les vierges folles, qui lui sont infidèles, mais dont il attend chaque jour la repentance authentique. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, il s'agit de la romance à la Vierge Sage. Chapitre 1 à partir du verset 8. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes. Verset 15. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Voilà la romance de Christ, l'époux, à son épouse, l'Église. C'est le même exemple de romance que la Bible recommande aux hommes envers leurs épouses vertueuses. Proverbe 31, dans ses trois derniers versets. Ses enfants la louent, son mari la loue. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée, qui sera romancée selon le Seigneur Jésus-Christ et non selon la chair, le monde et Satan. Celui qui vous parle en ce moment a passé les 35 premières années de sa vie à romancer des femmes prostituées comme lui-même, des femmes infidèles comme lui-même. Il s'agissait alors de la romance charnelle, mondaine et satanique. Et les religieux l'aiment beaucoup. L'amour de l'homme envers sa femme est sous-tendu par le fait qu'il ne doit jamais oublier le conseil que Dieu lui donne. Dieu donne de la sagesse divine à tout vrai homme afin qu'il soit capable d'avaler certaines couleuvres sans rien casser et surtout sans se compromettre. Voilà les hommes avertis. 1 Pierre chapitre 3 au verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Aucun homme né de nouveau et rempli du Saint-Esprit ne peut jamais œuvrer dans sa vie conjugale s'il oublie ce verset que nous sommes en train de lire. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand Ève avait introduit Satan dans son foyer et emportant son époux Adam dans sa chute, faisant de lui un captif de Satan, un vaincu, un pauvre, un destin divin détruit, ce dernier Adam n'a pas battu sa femme. Il ne l'a pas haï, il ne l'a pas rejeté. Mais ensemble, ils se sont cousus des caches-sexes. Ensemble, ils se sont cachés. Ensemble, Dieu les a rachetés en versant le sang d'un animal innocent pour couvrir leur nudité avec sa peau. Voilà comment les hommes doivent aimer sacrificiellement leurs femmes, quelles que soient les conséquences des faiblesses naturelles ou même spirituelles de ces dernières. Hommes et femmes, n'aimons pas en parole seulement, mais surtout par les actes qui manifestent l'amour. Comme Christ, homme, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec vos épouses, mais continuez à les laver par l'eau de la parole. Honorez-les sans vous compromettre, mais soyez ferme et inébranlable de peur qu'elles ne vous entraînent dans la chute comme Ève l'avait fait la dame. Tout homme doit vraiment aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais lui mâcher tout et le lui mettre dans la bouche de peur de la rendre mendiante, paresseuse et pourquoi pas prostituée. Sauf si cette dernière est malade ou paralysée. Il faut qu'il la fasse travailler de ses propres mains afin de produire et de créer aussi de la richesse. Sinon, elle ne sera jamais une femme vertueuse comme Dieu l'attend d'elle, mais une parasite et une prostituée comme nous l'avons dit plus haut. Alors, homme, le Seigneur nous demandera des comptes de ce que nous avons fait des épouses qu'il nous a données. Plusieurs hommes aujourd'hui jouent au Papa Noël envers leurs épouses parce que le monde, la chair et la religion ont institué que c'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit produire les richesses, c'est l'homme qui doit pourvoir à tous les besoins du couple. Ce n'est pas ainsi la volonté parfaite de Dieu quand il donnait Ève à Adam. Vous devez travailler ensemble. Je te ferai une aide semblable à toi. Et non une consommatrice semblable à toi. Et non une nourrie semblable à toi. Et non une pourvue semblable à toi. Concernant l'amour de l'épouse envers son époux Christ, les femmes à leur tour doivent s'inspirer de ceci pour savoir comment aimer leur mari. Malheureusement, de nos jours, plusieurs dans le corps de Christ n'enseignent plus aux femmes d'aimer leur mari de manière sacrificielle, comme l'Église aime Christ de tout son cœur. Depuis l'Ancien Testament, dans Ésaïe 54 au verset 5, la parole de Dieu nous révèle que c'est notre Créateur seul qui est notre époux. Lui, le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a tellement insisté sur l'amour sacrificiel de l'épouse envers son époux qu'aucun véritable membre du corps de Christ, son épouse, n'a vraiment plus besoin qu'on le lui rappelle. Deutéronome 6 à partir du verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Même les vieilles mamans et les vieux papas religieux dans nos villages les plus reculés le récitent par cœur. C'est pour cela que Christ attend de son épouse qu'elle ne sera reconnue comme telle que si elle renonce à elle-même et porte sa croix pour le suivre lui seul tous les jours de sa vie. Matthieu 16, verset 24. Voilà le comportement que doit avoir toute véritable épouse envers son véritable époux. L'amour sacrificiel de la femme envers son mari nous dit dans Matthieu 22 à partir du verset 36. Le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus a passé son temps avant et après sa résurrection à attirer l'attention de son Église sur son amour sacrificiel qui doit être réciproque et inconditionnel envers lui. Dans Matthieu 10, au verset 39, Christ, notre époux, nous dit ceci. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, nous devons être prêts à redonner à Christ la même nature d'amour qu'il nous a donnée. Sinon, pas de mariage divin. Dans Jean 14, au verset 15, il continue à dire « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà comment la véritable épouse doit témoigner son amour envers son époux. Et dans Jean 15, au verset 14, notre époux continue à nous dire « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En d'autres termes, je ne reconnais que vous m'aimez que si vous faites ce que je vous commande. » Ah, l'épouse ne peut pas dire la même chose envers son époux. Si vous entendez une épouse qui dit à son époux, « Si tu m'aimes, garde mes commandements. Je saurai que tu m'aimes si tu fais ce que je te commande. » Alors, sachez que nous sommes en train de suivre le même feuilleton qui s'est passé au jardin d'Éden aussitôt après que le serpent ancien ait séduit Ève. Parce qu'au-delà des discours, Christ dit à son épouse qu'on n'aime pas en parole, mais en action qui prouve l'amour. Notre foi d'amour envers notre époux est une foi morte et inutile si nous ne produisons pas les fruits qu'il attend de nous. Il s'agit alors d'un amour non sacrificiel de la part de la soi-disante épouse. Nous avons l'image de cela dans Matthieu chapitre 3 au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Aïe, aïe, aïe. Pas de romantisme charnel, de séduction ou de malice. Cela est du domaine du diable. C'est comme ça que Satan entretient et se comporte envers les prostituées. Christ ne peut jamais se comporter ainsi avec son épouse. C'est pour cela que l'épouse doit renoncer à l'amour du monde. Sinon, nous ne pouvons pas aimer sacrificiellement celui qui est amour, notre époux. Matthieu 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dieu nous montre ainsi que l'amour de l'Église envers Christ, l'amour de l'épouse envers son époux, doit être de la même nature, de la même intensité, c'est-à-dire sacrificielle et réciproque. 1 Jean 2, verset 15. Écoutons ce que l'époux dit à son épouse. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Notre Dieu est tellement jaloux qu'il ne tolère pas que son épouse, son église, aime un autre que lui. Matthieu 10, à partir du verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés sacrificiellement, qui nous redemande la même nature, le même genre d'amour, un amour sacrificiel. Si l'Église aime Jésus, elle le suivra lui seul et jamais quelqu'un d'autre. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut suivre deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nous ne pouvons servir Christ, notre époux, et en même temps l'argent, les biens matériels, le pain et les poissons qu'il multiplie plus que lui-même. Nous ne pouvons pas aimer ce que Christ nous donne plus que Christ lui-même. Pierre, avant la Pentecôte, avait prétendu aimer Jésus de manière agapée et de manière sacrificielle. Mais que lui dit son époux? Je te le dis en vérité, cette même nuit, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit, comme la mouvance religieuse le dit de nos jours, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Madame, au lieu de vous poser la question de savoir si votre mari vous aime, vous êtes-vous déjà demandé si vous l'aimez aussi comme vous voulez qu'il vous aime? Vous êtes-vous déjà demandé si vous l'aimez vraiment et non ses biens, et non ses cadeaux, et non ses titres, et non ses grades élevés et flatteurs, et non en premier son physique, même si son esprit est une gangrène? Qu'en est-il de vous et de moi aujourd'hui? Et puis, en matière d'amour maximal, c'est l'Église, l'épouse, qui adore Christ, son époux, et non le contraire. C'est pour cela que Sarah appelait son mari Abraham son Seigneur. Cela était prophétique. Nous trouvons ceci dans 1 Pierre chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Et ce passage demande à toutes les femmes d'avoir pour modèle Sarah, leur mère, qui était un modèle de toutes les femmes saintes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Abraham aimait sacrificiellement Sarah, mais il ne pouvait jamais l'appeler son Seigneur. Mais aujourd'hui, à la suite du monde que l'Église suit, au lieu de suivre Jésus-Christ, ce sont les hommes qui se prosternent publiquement en signe d'adoration devant les femmes pour leur témoigner leur amour. Et ceci sans fermer leur bouche. « Chérie, je t'adore !» De nos jours, si vous ne faites pas de votre épouse une déesse, vous n'êtes pas un vrai homme, ni un vrai chrétien, mais un primitif, même si vous avez la paix avec Dieu et même si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Abangonan a appris la leçon chez son père Abraham. Il n'adore désormais que le Seigneur Jésus-Christ seul, pas en chair et en sagesse humaine et mondaine, mais en esprit et en vérité. Et quand je l'ai fait, c'est lui maintenant qui m'aide à aimer ma femme comme je dois l'aimer. Sans lui, je ne peux rien faire, même ce que je sais que je dois faire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit qu'il m'a donné et qui habite en moi. Alléluia. Cher ami, quel que soit le degré d'amour et de sagesse que Dieu me donne d'avoir envers mon épouse, je ne l'appellerai jamais mon Seigneur. Parce que Abraham, le père de notre foi, n'avait jamais appelé Sarah son Seigneur. Et Dieu nous les donne comme des modèles dans Ésaïe 51 à partir du verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Jésus-Christ est notre justice. Écoutez-moi, vous qui poursuivez le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez renoncé à vous-même et qui portez votre croix pour le suivre tous les jours de votre vie. Vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillé. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Qui dit mieux? L'épouse dite chrétienne doit aimer son mari et ses enfants, sinon ils ne la loueront pas. Parce qu'elle n'est pas vertueuse et ne craint pas Dieu. Proverbe 31 à partir du verset 10 et nous le comprendrons. Et Tite 2 à partir du verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante ni adonnée au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné ce film intitulé « La chambre de combat », il y a cette femme âgée qui avait pour ministère d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. War Room, la chambre de combat. La femme vertueuse est romantique envers son époux. Parce que selon Dieu, le romantisme n'est pas seulement du devoir de l'homme envers sa femme, comme cela est le cas dans le monde et dans la religion. Il n'y a pas meilleur romantisme que quand l'Église se soumet à Christ, son mari, et le respecte, lui rend grâce, le loue et l'adore. Femmes, soyez romantiques envers vos époux, mais sans les adorer, parce que vos époux ne sont que des êtres humains. Mais là aussi, comme pour les hommes, le romantisme de la femme doit être vrai, honnête et jamais flatteur ou séducteur. Cantique des Cantiques présente le romantisme de l'épouse envers son époux de cette manière, dans son chapitre 1, versets 14 et 16. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troème. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Nous pouvons nous arrêter là. La pire des choses est que plusieurs font ceci dans le monde, dans la chair, dans les concubinages, où les hommes et les femmes perdent ou ont perdu leur virginité et leur amour entre les mains du diable. Et quand par acquis de conscience, ils veulent le refaire dans le mariage divin, le plus souvent, Satan et la chair n'ont pas encore lâché prise et Jésus n'est encore glorifié que du bout des lèvres, alors que ce sont la chair, le monde et Satan qui le sont de cœur. Marc 7, verset 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Aïe, aïe, aïe. Chers amis, tout comme Christ est toujours prêt à pardonner les fautes de l'Église, ainsi doivent le faire les époux et les épouses qui s'aiment vraiment comme Christ nous a aimés. Époux, épouses, soyez matures et n'allez jamais laver votre linge sale auprès des tiers, auprès des dirigeants religieux, auprès des parents, auprès des amis, auprès des passants, auprès des ennemis, auprès des concubins et des concubines d'hier et d'aujourd'hui, auprès des tribunaux. Mais seulement entre vous deux et le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous conseille 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Comme le dit 1 Corinthiens 13, que l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Si quelqu'un te gifle sur lui, jetant lui l'autre, c'est une preuve d'amour. Et pour terminer, comme nous l'avons dit tantôt, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, voilà. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Jésus-Christ est amour. Qu'en est-il de vous et de moi? Époux, si tu n'aimes pas ton épouse que tu vois, épouse, si tu n'aimes pas ton époux que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Parce que le véritable amour, l'amour divin, est d'abord spirituel et ensuite physique. Si l'amour divin était d'abord physique avant d'être spirituel, alors chaque femme ou chaque homme qui se dit chrétien aurait le droit d'aller épouser un non-croyant ou une non-croyante. Mais parce que l'amour est d'abord spirituel, nous devons d'abord être en Christ et accepter son cahier de charges. Ce n'est qu'après ce moment-là que nous pouvons donc conjuguer émotionnellement, sentimentalement et physiquement l'amour. Et aucun de nous ne peut prouver qu'une épouse aime vraiment son époux avec qui l'aspect physique de l'amour est incontournable, comme ou plus que la mère de ce dernier aime son fils envers qui il n'y a que l'aspect spirituel et sentimental de l'amour. Que chacun d'entre nous comprenne cela. De plus en plus, dans les églises de la fin des temps, c'est l'aspect charnel et physique de l'amour qui est sponsorisé et valorisé. De plus en plus, il faut exhiber l'aspect sexuel ou érotique de l'amour en public quand il s'est marié. Nous vous permettons maintenant de faire ce qui n'était pas permis jusqu'à présent. Et tout le monde assiste passionné au mangement des bouches et des langues sous des applaudissements et devant les multiples caméras mondaines et religieuses comme dans un feuilleton pornographique. Chers amis, pourquoi ne pas aller le faire à deux à la maison? Où se trouve l'urgence de le faire religieusement en public et dans les églises dites chrétiennes? À quoi cela édifie-t-il le corps de Christ? Et même s'il y a urgence, un simple bisou ou une bonne accolade devant tous suffirait. Quelqu'un a dit un jour que si on le lui demande un jour en pleine église quand il se mariera, au lieu de manger ou de sucer la bouche non hygiénique de son épouse, il baissera le corsage de cette dernière et lui mangera et lui sucera la tétine de son sein qui est plus hygiénique pendant au moins une minute. Un autre a dit que si au moins les pasteurs nous permettaient de le faire au nom de Jésus-Christ et allonger sur un matelas pendant au moins 2 minutes, vous verriez alors ce dont nous sommes désormais légalement et spirituellement capables dans ce domaine. Et ainsi, le Dieu de la sensualité dans la religion serait satisfait. Chers amis véritablement chrétiens, refusez de devenir des animaux et commencez vos relations sexuelles. Continuez-les pendant tous les jours de votre vie sous les seuls regards du Seigneur Jésus-Christ, le seul qui ne sera jamais accusé de violer votre intimité. Le seul qui ne sera jamais accusé de regarder les scènes pornographiques parce qu'il est partout et c'est lui seul qui doit tout voir. Une fois qu'ils sont mariés, qui ne sait pas ce que tout homme et sa femme ont le droit de faire en intimité, sauf s'ils sont des animaux pour le faire en public et dans des églises. Parce que les chiens ne font pas de différence de le faire dans une église pleine à craquer ou dans un stade de football plein à craquer. Le mariage divin et l'amour. Ironie du sort, j'ai déjà assisté à plusieurs dîners évangéliques offerts par des couples pastoraux dans leur domicile. Mais je n'ai jamais vu un seul de ces couples nous recevoir, ni nous souhaiter bon appétit, ou même nous dire au revoir en choisissant de se sucer les langues, de se manger les bouches devant tous. N'ont-ils pas le droit de nous prouver ce qu'ils ont le droit de faire quand ils sont déjà dans leur maison? Je n'ai pas encore aussi assisté au mangement des bouches d'un pasteur et de sa femme en plein culte afin de montrer à la congrégation comment ils savent encore le faire en privé depuis leur mariage. À quoi ça sert de savoir faire des bisous en public le jour du mariage si nous sommes maintenant incapables de le faire après le mariage? Aïe, aïe, aïe, suivez mon regard. Heureusement que le Seigneur Jésus avait oublié d'exiger cela aux deux conjoints lors des noces de Cana. Peut-être parce qu'il s'agissait de vraies vierges sexuelles qui n'avaient pas encore fleurité avec le prince de ce monde et qui ne connaissaient encore rien de ses recettes. Il est interdit d'interdire tout ce que la chair aime et sponsorise. Ou encore, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas demandé cela aux deux mariés aux noces de Cana, sûrement parce que les coutumes païennes attendaient d'abord qu'ils leur fichent la paix avant qu'elles commencent à envahir le christianisme depuis l'intérieur. Il y a pourtant plusieurs formes saines, pudiques, amicales, fraternelles, professionnelles et familiales d'embrasser ou de faire des baisers qui glorifient Dieu. Le baiser sexuel à la bouche et même dans les autres parties du corps n'est pas une coutume des peuples de la Bible. Pourquoi donc sommes-nous hypocritement scandalisés quand les couples amoureux le font dans des bus, dans les places publiques, dans les cours d'école devant les élèves, dans les supermarchés, dans les plages et les piscines? Chaque fois que nous allons montrer des films vraiment chrétiens dans des églises, nous n'avons pas de difficultés pour trouver ceux qui ne sont pas impudiques. Ceux-là où les langues et les bouches ne sont pas sucées et mangées en public pour l'édification du corps charnel de Christ. Et puis, le baiser sexuel de bouche à bouche n'est pas universel comme l'est la foi en Jésus-Christ et son évangile. Dans certaines parties du monde, le baiser bouche à bouche est une vertu incontournable. Et dans d'autres, il est une abomination, un acte dégoûtant. Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oui, 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Chers amis, voulez-vous renoncer à vous-même pour revenir au Seigneur Jésus-Christ seul, qui dit à chacun d'entre nous, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie qui envahissent aujourd'hui le monde dit chrétien. We'll be right back. Je suis à Banga Onana. Dans notre série intitulée « Le mariage divin », nous vous présentons aujourd'hui le sous-thème « Le mariage divin, l'amour et la soumission ». Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5 et lisons à partir du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Chers amis, nous devons tous savoir que la soumission que nous devons les uns les autres en tant que des frères et sœurs en Christ n'est pas conditionnée par les grades, par les droits d'aînesse, ni par les différences de sexe ou de responsabilité, mais par les relations de communion fraternelle entre les enfants égaux d'un même Père et Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, un enfant de 6 ans qui coordonne le culte familial en présence de son père et de sa mère et de tous ses grands frères et sœurs et qui demande à tous de baisser la tête et à son père ou à sa mère de clôturer la séance de prière familiale par une prière mérite une obéissance totale de la part de ces derniers. Et si le président de la République est de passage chez eux et qu'il accepte de prier avec eux, si le frère en Christ qui coordonne lui demande de faire la prière d'ouverture ou de lire le passage du jour, si ce président de la République est un vrai frère en Christ, il se soumettra le cœur plein de joie. Mais le même frère de 6 ans, ou le cuisinier, ou le gardien de nuit, ou le chauffeur qui est dans le même culte, ne pourra pas demander à son père, ou à sa mère, ou à son directeur, ou à son président de la République de venir aussi balayer sa chambre à coucher, de venir aussi lui conduire la voiture aujourd'hui pendant qu'il rentre à la maison, ou de venir lui laver les habits, ou de lui apprêter le petit déjeuner, une omelette garnie. Méfions-nous quand nous parlons de soumission. Le frère en Christ, chauffeur du directeur général dans l'église, ne demandera pas au directeur général que aujourd'hui toi aussi sois mon chauffeur. Là, il s'agit de la sorcellerie. La soumission dans le mariage divin n'est pas comme la soumission que Dieu demande aux frères et sœurs de se soumettre les uns aux autres. Il faut faire très attention. Il y a une particularité. Ici, là, nous entrons déjà dans le même domaine comme la soumission d'un chauffeur ou d'un gardien de nuit envers son directeur général. Même s'ils sont des frères et sœurs en Christ, en ce qui concerne le travail, c'est le chauffeur qui doit se soumettre au directeur général. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, même si vous êtes des frères et sœurs en Christ. En ce qui concerne le mariage, Dieu fait une particularité en ce qui concerne la soumission. Même comme ils sont des frères et sœurs en Christ, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En passant, Christ, notre sauveur, est notre frère aîné. Mais ce n'est pas parce qu'il est notre frère aîné que maintenant, c'est nous qui devons être son Seigneur et non lui notre Seigneur. Ne soyons pas des insensés. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Chers amis qui m'écoutez, dans la plupart des pays dits développés, si vous lisez ce verset biblique, en public, dans certaines églises, vous serez stoppé net. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Analysons donc la soumission entre les conjoints à la lumière des Saintes Écritures. D'abord, parlons de la soumission de l'époux. L'époux doit être soumis à son chef qui est Christ et dont il est le disciple et non celui de son épouse. Abanga Onana ne sera jamais le disciple de son épouse. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 3, nous disons « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, sa femme, et que Dieu est le chef de Christ. Christ, l'époux de son Église, est soumis à Dieu le Père, avec qui il est un même esprit. » Dans Jean chapitre 4, au verset 34, Christ dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean chapitre 5, 30, Christ, notre époux, continue à dire « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Même comme ils sont égaux, le père et le fils sont un. Tout comme l'époux et l'épouse dans un mariage sont égaux devant Dieu en salut, en gloire, en félicité éternelle. Mais dans les devoirs et les responsabilités, ils ne sont pas égaux. Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En ce qui concerne les responsabilités et les devoirs de la nation, il est anormal et même suicidaire que c'est le président de la République qui se soumette à l'individu, au citoyen, à Banga Onana. Comme Christ est soumis à Dieu le Père, ainsi tout homme doit l'être envers Christ et toute femme envers son mari. Sinon, ce qui est arrivé à Adam arrivera aux hommes et ce qui est arrivé à Ève arrivera aux femmes. Sinon, ce qui est arrivé au mari de la femme vertueuse n'arrivera pas aux hommes. Et ce qui est arrivé à la femme vertueuse n'arrivera pas aux femmes. Dieu n'a jamais dit à Christ de se soumettre à son église. Comme la chair, le monde, la religion l'enseignent et le sponsorisent aujourd'hui en demandant aux hommes de se soumettre à leurs épouses. Surtout que de nos jours, il s'agit plus d'une église malicieuse et intéressée qui ne le suit que parce qu'il multiplie des pains et des poissons qu'il leur donne à manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Mais Christ a beau multiplier les pains et les poissons pour nourrir son église, il ne se soumettra jamais à elle, quel que soit le degré d'amour sacrificiel total dont il l'aime. Jean chapitre 6, verset 27. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus-Christ homme n'était soumis qu'au Père, dont il avait le même esprit. Si un homme n'a pas l'esprit de Christ en lui, il sera forcément un Nabal, un Akab ou un Hérode. Christ dans le monde n'a pas apporté une nouvelle mission pour la placer au-dessus de la mission du Père. Christ était sous la mission du Père et jamais sur la mission du Père. Chère épouse qui m'écoute, es-tu soumise à ton mari? Es-tu sous la mission de ton mari? Ou alors, es-tu soumise à ton mari? Comme Ève l'avait été sur Adam, aussitôt après sa rencontre dynamique avec le serpent ancien. Aïe, aïe, aïe. C'est la femme qui doit se mettre sous la mission de son mari, afin de l'aider pour la gloire de Dieu. Et non l'homme se mettre sous la mission de sa femme. Comme c'est l'église qui doit recevoir l'esprit de Christ, de même c'est l'épouse qui doit recevoir l'esprit de son époux. Sinon, nous assisterons à la rediffusion de la série « Roi Acab et sa femme Jézabel ». Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Combien de femmes aujourd'hui acceptent encore que ce soit leurs époux qui leur donnent des instructions, que ce soit leurs époux qui les envoient? C'est le contraire qui est aujourd'hui à la mode sous les applaudissements du serpent ancien. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Chers amis, tant que l'épouse n'a pas l'esprit de son mari, il n'y a pas mariage divin. Tant que l'obéissance aux êtres humains ne nous conduit pas clairement à la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire à sa parole bien précise, nous devons nous soumettre par motif de conscience chrétienne à toute autorité établie sur nous par Dieu. Chers amis, si vous n'êtes pas des chrétiens et des chrétiennes justifiés par le sang de l'agneau et remplis du Saint-Esprit, ce message sera pour vous un suicide ou une folie. Que Dieu nous aide. Parlons de la soumission de l'épouse chrétienne envers son époux. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Plusieurs pays dits chrétiens et développés ne tolèrent plus même la simple lecture de ce passage que nous venons de lire dans leur milieu où la sagesse humaine, terrestre, religieuse et satanique a supplanté celle de Dieu. Comme l'Église est soumise à Christ en toutes choses, ainsi la femme chrétienne, la femme vertueuse, doit l'être envers son mari et non envers le serpent ancien, et non envers son concubin, et non envers ses dirigeants religieux. Faut bien retenir cela. Chère femme vertueuse qui m'écoute, ce n'est plus ton père biologique qui est désormais ton chef maintenant que tu es marié. Ce ne sont pas tes dirigeants spirituels qui sont tes chefs, c'est ton époux. Ce ne sont non plus vos chefs de service dans le milieu professionnel qui sont vos chefs dans la vie. une femme qui travaille a pour chef son chef de service dans le cadre professionnel. Même dans le bureau, votre chef de service n'est votre chef que dans le cadre professionnel. Il n'est pas le chef de votre vie. Il n'est pas le chef de votre foyer. Chaque fois qu'une épouse se soumet à un autre homme en dehors de son mari, cette femme-là est en train de faire ce que Ève avait fait au jardin d'Eden. Cette épouse place automatiquement son époux sous l'autorité de la personne à qui elle est soumise. C'est ainsi que Ève avait placé M. Adam sous l'autorité du serpent ancien. Jean chapitre 10 à partir du verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Gloire à Dieu. C'est par la soumission volontaire à son mari que nous reconnaissons qu'une femme est vraiment remplie du Saint-Esprit et surtout qu'elle aime sacrificiellement son mari malgré les faiblesses et les manquements de ce dernier. Le bon exemple est celui d'Abigaël qui avait pourtant épousé un fou et une brute nommée Nabal. Et le mauvais exemple est celui de Vashti qui avait pourtant épousé un roi qui était romantique, qui pourvoyait à tous ses besoins et la nourrissait, qui savait parler aux femmes selon le monde et l'aimait bien. En plus du fait qu'il était roi et qu'il avait fait d'elle la première femme du royaume, une reine. L'insoumission aux autorités établies selon la volonté de Dieu et selon les voies de Dieu est un démon. Nous voyons que pour qu'une femme soit soumise à son mari, cela ne dépend pas des bonnes ou des mauvaises conditions charnelles et terrestres qu'elle vit. Mais cela dépend de connaître et d'aimer d'abord Jésus-Christ de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme et de toutes ses pensées. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Sans une soumission volontaire à son mauvais mari, aucune femme ne peut, comme Abigaël, remporter le combat spirituel dans son foyer. Parce qu'elle ne combat pas le bon combat de la foi en la parole de Dieu, mais le mauvais combat de la chair. Et si elle ne se répand pas, elle ne finira jamais épouse du roi d'Israël, épouse du Seigneur Jésus-Christ, comme Abigaël. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Les femmes chrétiennes refusent cette solution miracle que Dieu leur accorde pour qu'elles triomphent dans leur foyer quand elles ont des maris Nabal. Verset 3. Femmes, ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. Il est rare de nos jours de trouver dans nos églises des femmes douces. Et vous savez, le manque de douceur est compatible avec les insoumissions conjugales des femmes. La pureté incompatible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles n'espéraient pas en leur mari, mais elles espéraient en Dieu. Chères femmes qui m'écoutez, si vous espérez en vos époux, vous êtes foutus. Parce que vos époux sont des hommes comme vous. Nous aussi, les hommes, nous devons le comprendre. Je suis un époux, je n'espère pas en ma femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mon espérance, l'espérance de la gloire, et non un être humain. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Madame, si comme Abigaël, tu ne triomphes pas de la folie de ton mari en combattant le bon combat de la foi avec les armes de Dieu, comme ton mauvais mari, tu ne seras jamais enlevé au son de la trompette. À bonne entendeuse, repentez-vous. Alors, cher époux, espère en Dieu qui te demande de te soumettre à ton époux. Ce n'est pas l'homme qui doit se placer sous la mission de sa femme, mais la femme doit se placer sous celle de son mari. C'est pour cela que Dieu a créé Ève et l'a donnée à Adam. Sinon, il y a manipulation, sorcellerie, consciente ou inconsciente, en action, ou usurpation d'autorité, sous le sponsoring du serpent ancien. Tout comme aucun homme n'est obligé d'accepter l'amour que lui propose Christ, aucune femme n'est obligée d'accepter l'amour que lui propose un homme. Mais dès qu'elle accepte cette proposition d'amour, elle doit s'assurer qu'elle sera soumise à ce seul homme et non plus à un autre. C'est pour cela que Paul dit aux chrétiens de Corinthe et à vous et moi aujourd'hui, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Aïe, aïe, aïe. Toute femme qui est insoumise à son mari, toute femme qui dispute l'autorité à son mari, qui le méprise et qui a pour ministère de lui faire honte, est déjà disqualifiée par Dieu, comme il avait disqualifié Vasti et élevé Esther, qui était amoureuse sacrificiellement à son époux, le roi. C'est-à-dire qu'elle lui était soumise, et l'amour de son époux se manifesta abondamment sur elle. La soumission d'une femme commence dans la maison de son père. Esther n'avait pas commencé à être fidèle à son époux, le roi, quand elle est devenue reine, mais elle l'était déjà à son tuteur, à son oncle Mardoché. Nous n'oublions pas, la soumission pour la gloire de Dieu et du Saint-Esprit, alors que l'insoumission est un démon. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Cela nous rappelle Jésus qui lava les pieds de ses disciples qui avaient tout abandonné pour le suivre. Même si une femme a embouté son mari et le domine en privé, Dieu exposera cette femme en public. C'est ce qui s'est passé dans Esther chapitre 1 du verset 15 au verset 21. Si Vasti pouvait se comporter ainsi envers un roi galant et romantique, imaginez alors si l'époux de Vasti avait été un maître d'école. Comme Christ avait lavé les pieds de ses disciples qui avaient renoncé à eux-mêmes et avaient tout abandonné pour le suivre du seul et qui se trouvaient indignes qu'il leur lave les pieds, il en est ainsi de toute épouse vraiment soumise à son mari. Ce dernier finira librement et souverainement par la louer comme le mari de l'épouse vertueuse de Proverbe 31. Vous pouvez donner votre vie pour des amis, mais sans que cela les détourne de l'enfer. Surtout que tous ceux qui donnent leur vie pour nous, parce qu'ils nous aiment, attendent en retour que nous gardions leurs commandements, que nous leur soyons fidèles. Jean chapitre 8, verset 30 à 32, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est incontournable. Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. À toute véritable épouse soumise à son maître, à son époux, ce dernier lui dit en retour, d'après Jean chapitre 15 au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Dieu nous aime tel qu'il nous trouve, mais cet amour dont il nous aime a pour but de nous changer en bien, parce que l'état où il nous trouve n'est jamais bon. C'est pour cela que dans son amour, il nous exhorte, si nous lui sommes soumis et fidèles, à choisir la vie et non la mort, à choisir la bénédiction et non la malédiction. Mais quel que soit son grand amour envers nous, Dieu ne viendra jamais choisir à notre place. Même sur la croix, pendant qu'il manifestait son grand amour pour nous, Jésus n'a pas choisi à la place des deux larrons crucifiés avec lui. Chacun devait faire le choix pour lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque fois que nous désobéissons à Christ, notre époux, c'est exactement à son rival Satan que nous obéissons, comme Ève à Éden. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus, notre époux, dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Aujourd'hui, selon le monde et selon la religion, ce sont les hommes qui doivent toujours être prêts à perdre leur vie pour leur épouse. Et jamais l'épouse ne doit être prête à perdre sa vie pour son époux. L'amour sacrifié doit être réciproque. Savons-nous que la multitude de ceux qui vont en enfer sont tous ceux pour qui Jésus a payé le sacrifice suprême pour leur témoigner son amour? Mais pourtant, plusieurs vont en enfer parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à celui qui s'est sacrifié pour eux. 1 Jean 2, verset 2 à 6. Voilà les conséquences éternelles de toute insoumission conjugale non suivie de repentance authentique pendant qu'il est encore temps. Proverbe 28, verset 13. Dans Ézéchiel 33, verset 11. Je leur dis, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, mon épouse? Alors que je suis le chemin, la vérité et la vie, alors que je suis la résurrection et la vie, pourquoi mourriez-vous? Tout est accompli. Mais l'épouse infidèle méprise tout cela, parce qu'il y a un concubin en or pour elle, le serpent ancien. Jésus ne nous a pas aimés jusqu'au sacrifice suprême pour que nous soyons la tête et lui le corps. Il ne nous a pas tant aimés afin que c'est lui qui se soumette à nous, mais c'est nous qui devons nous soumettre à lui. C'est lui qui nous a acquis à un grand prix. Jésus ne nous a pas tant aimés pour que nous soyons ses aînés ou ses chefs, mais c'est lui qui nous a acquis pour lui-même à 100%. Voilà le mariage si nous nous soumettons à lui à 100%. Aucun homme ne peut vraiment aimer maritalement une femme qui a pour ministère de lui être insoumise. Soumission de l'épouse d'abord, d'après Éphésiens 5, versets 22 à 24. Et ensuite, amour de l'époux, à partir du même Éphésiens 5, verset 25. C'est lors de l'enlèvement de son épouse que nous saurons vraiment qui est la vraie épouse, la soumise, et qui est la religieuse, l'insoumise. Il n'y a que ceux des chrétiens qui auront renoncé à eux-mêmes pour ne suivre que leur époux qui seront enlevés grâce à leur soumission éternelle à lui. C'est l'épouse qui doit renoncer à elle-même, porter sa croix et suivre son époux tous les jours de sa vie et jamais le contraire. Souvenons-nous des 5 vierges folles qui ne fonctionnaient plus avec l'esprit de leur époux, mais qui voulaient que c'est leur époux qui fonctionne avec leur esprit d'épouse. Abomination. Elles ne sont pas entrées aux noces. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il n'y a pas mariage entre Christ et lui. Et si une épouse n'a pas l'esprit de son époux, elle n'est pas son épouse. Donc, une fois de plus, aux êtres humains que nous sommes, le mariage n'est pas ce papier-là que nous signons dans une mairie. Mais le véritable mariage est celui qui est proclamé et signé par Dieu lui-même. À tous ceux qui veulent qu'il soit leur époux, il dit dans Ésaïe 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, voilà comment l'époux fait des avances à celle qu'il veut prendre comme épouse. Si vous êtes docile, alors épouse, ne regarde pas seulement l'or, l'argent, les positions, les multiplications de pain et de poisson de celui qui te fait des avances pour que tu sois son épouse. Mais est-ce que tu es prêt à te soumettre à son cahier de charges? Est-ce que tu l'aimes sacrificiellement? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce même Éternel, plein d'amour, qui dit dans Matthieu 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » C'est l'épouse qui doit prendre les instructions de son époux. Ce n'est pas l'époux qui doit prendre l'instruction de son épouse. Et puis, la grande ruse et déception de l'ennemi sur plusieurs membres du christianisme est qu'il amène chacun d'eux à définir ou à comprendre personnellement l'amour selon ses propres expériences dans la vie depuis son enfance, en passant par ses propres déceptions, en passant par sa culture et en passant par les religions du monde qui l'ont influencé. Et puis, même Dieu qui a tant aimé le monde n'a jamais été aveugle dans le choix de sa vraie épouse parce qu'il sait tout. Jean 2, verset 23 à 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il connaissait ceux qui ne viendront à lui que parce qu'ils mangent le pain et les poissons qu'il multiplie jusqu'à se rassasier, et à ceux qui viendront à lui de manière sacrificielle. Méfions-nous donc de tout mariage dont le motif est non l'amour sacrificiel du conjoint, mais son amour charnel et intéressé. Avant de nous engager dans le mariage vrai et identique à celui de Christ et de son Église, nous devons d'abord recevoir l'amour divin et sacrificiel de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin de mieux le connaître. Parce que nous ne pouvons donner que ce que nous connaissons, ce que nous avons reçu et ce que nous maîtrisons. Tous ceux, hommes ou femmes, qui sont incapables de se soumettre à Dieu le sont aussi envers toutes les autorités sous lesquelles Dieu les place. Jésus connaissait ceux qui ne l'honoraient que du bout des lèvres, alors que leur cœur était éloigné de lui, alors que leur cœur était dans l'amour du monde, dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair, dans l'orgueil de la vie. Marc 7, verset 6. Alors, écoutons ce que dit celui qui nous a tant aimés et qui s'est livré lui-même en sacrifice pour nous. Romains 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Voilà ce que dit le romantique de tous les romantiques. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas signé l'acte de mariage avec toi à la mairie du coin en ton nom? N'avons-nous pas été bénis nuptialement à l'église en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà ce que le romantique de tous les romantiques nous dit. Chers amis, arrêtons-nous là. Souvenons-nous de 1 Pierre chapitre 4 au verset 7, où notre fiancé nous dit à chacun d'entre nous, « La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. » Si vous le voulez, baissez votre tête et priez avec moi. Dites sincèrement, Père Céleste, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort crucifié là où je devais mourir, qu'il fut enterré et qu'il vainquit la mort en ressuscitant le troisième jour. Et de ma bouche, je confesse que le ressuscité est désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Je reçois ton esprit qui me rendra capable d'être soumise à mon époux pour toujours. Merci parce que tu m'as exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié.